Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film magnifique avec Lambert Wilson. Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb dans les années 90. 8 moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région. L'armée propose alors une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Voici la nuit. L'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour. Hier, ils ont tiré encore un imam dans la rue. À la pierre, tout de suite ! Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère ? On se laisse tuer gentiment ? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux ? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir ? Des hommes et des dieux. Un film de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, un DVD Warner Home Video.